savez quoi, à 5000 likes, je tire sur la daronne. Deux, trois, sur le side, mais non, j'en cale aucune. Deux, trois, sur le side, mais j'en cale aucune. Trois, quatre, sur le side, il va manger de la cune. Et je coule avec ta oué, tu sais que tous ces bitches me le cul. Yeah, yeah, yeah, yeah, moi les prêteurs, j'ai les thunes. Et je m'en sers comme drap, comme Ayen, mais je suis pas un locus. Yeah, yeah, elle sort le locus. Tête dans ta tête, t'es têtu, tu vas tomber. J'ai perdu tout mon nose et dans les vides ici et dans le troc. Y'a que des potes et que des brocs. Je suis pas nain, gros, je suis l'os. J'ai le swing. Celle-là, vas-y, je recommence. Si toi aussi tu galères à dire le nom de l'album des Tannes, oh, c'est ça le nom de l'album des Tannes. Je fais le vélo pour vendre des chats. La dégaine d'un mec qui vend des tasses. Si t'as pas t'as le Valois comme Balkany, vas-y, rends les tales. Je fais fils de pute, ils travaillent pour l'État. Ils sont pleins aux as et ils parlent sur la gueule des prolétaires. Vrai, queer, trop déter. J'ai rien à graille, du coup je mange une polenta. Putain, c'est sec, c'est dégueulasse. Je vais mourir. En même temps, 6€ le paquet gnocchi, ça fait cher. Rajoute 4 pour le ketchup, ça fait cher. Ça fait mais en fait, je viens juste comprendre que c'est la manif anti-IVG. Putain. Excuse-moi, on manifeste pourquoi déjà là? Pas couper.